désire te dire un petit mot à toi qui n'as cessé de m'aimer. Je désire t'ouvrir mon cœur en cet instant et te dire combien je t'aime, car je sais qu'à la croix tu as pensé à moi en déversant ton amour et ton sang ce moment même. Je ne te connaissais pas, mais tu n'as pas hésité, tu n'as pas hésité à le faire. Je chante aux âmes, je chante aux âmes. Je chante aux âmes, à celui qui n'a pas hésité de mourir à la croix pour moi. Je chante aux âmes, car il n'a pas hésité, il a fait pour moi. Je chante aux âmes, à celui qui n'a pas hésité, il n'a pas hésité à le faire. À toi qui n'as cessé de m'aimer, je désire t'ouvrir mon cœur en cet instant et te dire combien je t'aime, car je sais qu'à la croix tu as pensé à moi en déversant en ce moment même. Non, je ne te connaissais pas, mais tu n'as pas hésité, tu n'as pas hésité à le faire.